Je te ferai mienne, suce ma graine, calisse toilette d'ancienne, calisse de chienne, t'aimes-tu mon sperme? Plot, plot. Dis-moi qu'est-ce que c'est que tu grignotes? C'est-tu mes notes? C'est-tu mon botte? Ou c'est-tu une crotte? Ou c'est que tu te frottes? Est-ce que c'est propre? J'ai une grosse porte dans mes shorts. Je te fourrais right now, mais je pense que je vais attendre que tu sois morte. Anyway, je pense que ton cadavre serait plus frais. Sans ma bite d'un fesse, qu'est-ce que tu ferais? Crois-tu que tu survivrais? Moi, je te défoncerais à arrêt, sans arrêt, avec un balai. C'est quoi que t'es la saveur de sorbet? Tu te torches-tu la gueule avec un bidet? Vagin. Vagin. Ton vagin, je l'engraisse avec du bon grain. Une main, une petite main qui fesse des nains, ça m'excite presque autant qu'un lapin. C'est comme l'éleveur de bovins, j'ai écrasé ses les gosses sur le bord du chemin. C'est la fatalité du destin, telles les feuilles d'un arbre qui tombe le matin. Wow, Chris, qui est beau ton vagin. Je peux-tu te slasher, une fois mouillé, vas-tu pouvoir glisser un coup de pied? Mais j'espère que mon pied va pas rester pogné. Bitch, fuck ta marde. Bitch, fuck ta marde, bitch. Bitch, fuck ta marde, bitch. Bitch, fuck ta marde, bitch. Ou fuck ta marde, bitch. Ou, bitch, marde, bitch, te four, bitch. Ta marde, te four, bitch. Ou, marde, te four, bitch, mou. Vous êtes à 70%. C'est vraiment émouvant comme début d'émission. Merci beaucoup. Trunk 25, des poètes de la rive sud du Québec. Comment dire, on est passé au travers. C'est de la liberté oui. d'expression, hein. Mais, voilà. Voilà, là, on va peser play. Ça va être notre meilleure émission aujourd'hui. Ouais, de tout le temps. À 70%. Des fois, on a des invités, puis d'autres fois, on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Oui, monsieur! On a commencé fort aujourd'hui, Israël. Hein? Oui. Ça, Citrunk 25, la classe incarnée. Sinon, ben aujourd'hui, c'est assez tranquille. On a amené surtout des extraits. On est encore en phase de transitoire entre deux endroits de visionnement. J'ai réorganisé chez nous. Ça va être fabuleux. On peut lancer autant d'acquis qu'on veut. Il y a de la place pour environ 50 personnes. Fait que vous pouvez venir chez Tommy après les émissions, on écoute de la marde. Je pense qu'à soir, ça va être rush. Ouais, ça va être rush avec l'excellent Conrad Nichols. Là, j'ai pas découpé d'extrait. J'ai plutôt amené en background des affaires, le travail de d'autres personnes, parce que Simon Chénier, qui vient souvent ici, a découpé un disque avec plein d'extraits. Puis là, ben, j'ai amené des bouts là, qu'il y avait sur, attendez, c'est Clash of the Ninja, là, je veux pas dire niaiserie, Ninja Tiger, Ninja Super Babe, non, c'est vraiment Clash of the Ninja, voilà, j'ai plein de petites phrases éclatées. Tu dis Ninja Super Babe? Ouais, mais j'en ai pas de ça. Tout à l'heure, on a vu un titre de film très prometteur, c'était Son nom, deux points, Killing Machine. Ça va être bon, mais qu'on le voie. C'est en français, c'est son nom, deux points, Killing Machine. Sinon, ben, en background, aujourd'hui, on va avoir, encore une fois, mais ça va être les bouts de Castlevania du Overclocked Remix. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a 8, 9, 10, 12, il y en a 24 des tunes de Castlevania qu'il y a dans ce remix-là. Oh, ça va nous en donner longtemps. Écoutez, en plus, les tunes de Castlevania, ils ont l'habitude d'être assez excellentes. On va aussi parler de Don Carnage, gars de Laval. Oui, un gars de Laval, Don Carnage. Ça va faire un retour sur ton expérience lavalloise. Toi, t'es allé là-bas encore cette semaine? Je sais pas, ben, j'y vais des fois. Là. Ouais. Je suis dans ma passe Laval. Je découvre. Là, le métro se rend, fait que c'est fabuleux. Ça. Je m'épanouis. J'ai parlé du Carrefour Laval la semaine passée. C'était de toute beauté. Parce que c'était le plus beau au centre d'achat au Québec. Le plus beau des plus beaux, faut pas oublier. C'est quoi qui va se passer? Je vais mettre une toune que j'aime bien de notre ami Frank Black. On va écouter ça, puis on va revenir pour démarrer l'émission en lion semi-endormi. Là. Cool. Ça marche. Vous êtes à 70%. Calistan de Frank Black. Bonjour, ici Réal V. Benoît. Vous écoutez présentement Choc FM, la radio web de l'UQAM. Vous croyez que c'était une semaine comme les autres? Et vous aviez tort! Car Choc FM, selon le dernier sondage BPM, est numéro 1! Numéro 1! Numéro 1 chez les étudiants en animation et recherche culturelle! Choc FM, numéro 1! Numéro 1! Numéro 1 chez les mâles de 28 à 37 ans en mineur de travail social, numéro 1! Numéro 1! Numéro 1 chez les internautes aux prénoms composés célibataires depuis 10 ans, Choc FM, numéro 1! Numéro 1! Choc FM, oh, dans tes oreilles, toujours! Ah, monsieur Marc, ils travaillent avec nous, ils arrivent. Bonjour. On ne s'amuse pas ici. On travaille d'arrache-pied, c'est tout. On n'a pas le temps de s'amuser. Monsieur Tank permet des choses, mais pas moi. Si vous travaillez avec moi, faudra être sérieux. Souvenez-vous bien de tout ça. Allez. On dirait des voleurs. Laisse tomber, ça sert à rien. Monsieur Tang, il est normal? Et parce qu'il a travaillé dans la marine. Il est pas bien, ce type. Ça va? Tu te sens mieux? Oh, hey, fais gaffe, Jack, couche-toi. Il faut que tu restes calme. Tu seras bientôt remis. T'inquiète pas. Des séquences de Clash of the Ninja ici. Cruel, il y en a pendant un petit 2-3 minutes, là, laissez-vous bercer le nom des ninjas. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja? Ouais. Tu dois me croire, Tony. C'est la vérité, il faut que tu me croies, je ne délire pas. Mais je te crois. Ninja. Le salaud. Il n'y a pas d'autre choix. Liquidez l'œil, nous tirons la tête en première. Je graisserai la patte à ces fils de pute d'étrangers quand vous en aurez terminé. Qu'est-ce que tu dis, Jack? Je crois tenir une piste. Il faut que je le trouve. Tony, les ninjas sont puissants. Fais bien attention. Ne prends pas de risques. Écoute-moi, Jack. Sois fort. Guéris vite. Le sang que tu as perdu n'a pas coulé en vain. Je sais Comment lui faire payer ses crimes? Ce soir, nous avons eu des problèmes importants au laboratoire. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Une émeute. Nos cobayes humains se sont rébellés, Quan. Et c'est quelque chose de très sérieux. Pourquoi? Ils ont su la vérité? Oui. Ils ont appris que ce travail que nous proposions au United States était un piège. Et tout de suite après, ils ont compris ce qu'on ferait d'eux. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire alors? Ne vous inquiétez pas, les mesures ont été prises. Les rebelles seront les premiers à passer sur la table. Mais c'est ridicule! Alors on a affaire à un vrai fantôme? Pas un fantôme. En fait, c'est un être humain. Un humain? C'est un ninja. Un ninja? Ah, mais dites. C'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est, un ninja? Les ninjas sont une branche des fameux samouraïs. C'est une vieille organisation. Leur origine remonte à plusieurs centaines d'années. Une grande partie de leur histoire est inconnue. Il n'existe plus beaucoup de ninjas maintenant, mais ils ont tous une technique de combat mortel. Ils sont très dangereux. Ça ne sert à rien d'utiliser une arme. Les ninjas ne meurent jamais. C'est difficile de parler de leur énorme pouvoir. Pour être bref, ce sont des tueurs professionnels. Hein? Des hommes comme ça existent? Ouais. Tony, si les ninjas sont si puissants, ils doivent être dans le coup. Je crois même que là-dessus, il n'y a plus de doute à avoir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour tuer un des ninjas, il faut que l'homme soit aussi ninja. Ben c'est tout simple. J'en connais plein. Et alors, où est-ce que je vais en trouver un? Ne vous inquiétez pas. J'ai un ami qui est ninja. Nous n'avons pas à apprendre le jiu-jitsu pour liquider ce monstre. Si j'arrive à en trouver un, il n'y aura pas de problème pour tuer le ninja. Tony, allez le chercher. Oui, ne perdez pas de temps. Non, ce n'est pas le moment. Nous ne savons rien de l'autre ninja. C'est vrai, nous ne savons rien. Il doit avoir des complices. Et où se cache-t-il? Juste. Il faut d'abord retrouver tous ces hommes. Alors, nous les suivrons et nous saurons où se cache le chef. Moi, j'allais parler de. J'allais te demander si t'es xyloglotte. Peut-être. Non. Est-ce que les gens sont xyloglottes ici? Xyloglotte ou xyglo? Xylo. Xyloglotte? Oui. Non. Est-ce que, ça, est-ce que vous savez ce que c'est être xyloglotte? Non, du tout. Eh bien, un xyloglotte, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art d'inventer des mots compliqués pour parler de choses communes en utilisant des racines grecques et latines. Ooh. Xylo vient du grec bois et glotte, parler ou gueule. Parler, oui, un oui, gueule oui, de oui. bois. Ah, c'est un clin d'œil. C'est parfait, ça. Alors, quand on est xyloglotte, on va utiliser des termes comme, par exemple, kilopédiculteur. Pour dire? Éleveur de mille pattes. Oh, oh boy. Ça existe? Aéronihilisme. Pour dire? Tendance à avoir l'air de rien. Bovinoderme. Qui veut dire? Peau de vache. Peau de vache. Oh! Frigidolactum. Qui veut dire? Lait caillé. Ah! Morphométéorisme. Qui veut dire? Quelqu'un qui pète la forme. Cool! Oui, et Nabucodinosaure. Qui veut dire? C'est un très vieil opéra de Verdi. Aïe, oui. Nabucodinosaure, comme dans Nabucodonosaure, roi de Babylone. T'as pogné ça où, ça? Dans j'ai des sources disséminées tout partout. Les recherchistes 70% Pascal, je t'ai présenté, sont dans une cave chez nous. Don Carnage. Mais où est Don Carnage Niort? C'est qui, toi? Ben, moi, je dirais que c'est un rapper qui était pro-exerciste dans le temps, là. Exactement! Il faisait des annonces de participation. On voilà. bouge à l'école, on bouge à la maison. C'était lui, ça. Don Carnage a sorti deux disques sur une période de 3 ans, puis on s'en crise, on n'a jamais entendu parler depuis 2001. C'est vrai, hein? C'est ça. Fait que oui, là, il vient vraiment de Laval, ce gars-là. Il vient plus de Laval que toi ou moi. Il est vraiment à Laval. Puis il y a une toune sur son disque qui s'appelle Laval. Non, c'est pas vrai. C'est sa toune s'appelle L-A-V-A-L. Ouais, avec des points en chaque. C'est ça. C'est parce pas... qu'il l'appelle dit L-A-V-A-L. Ouais, pas en français. Je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a dit qu'on pouvait le dire à l'envers puis ça changeait rien. Sûrement. Ça s'appelle quoi ça? On continue, man. Ok, trouve le mot. trouve le mot. oui, Don Carnage, c'est ça. Il y avait un gros clip en 99 qui passait sur sa chanson Don One. Un clip Cette tune-là, elle parle de sortir, genre au Fuzzy à Laval, puis de se pogner des filles. Puis dans le clip, on le voyait, elle habillée à la Matrix style, oh, avec des chars qui explosaient. Fait que trouve le lien. Mais là, j'ai amené son disque. On pourrait peut-être même écouter la tune Done One si on a le temps. Mais je voulais juste que je l'emmène pour mettre les interludes. Ben, on va écouter les interludes. On va se garder Done One pour la fin de l'émission. Oui, excellent. C'est bon, ça. Les interludes sont très insupportables. Fait que ça va donner mon ça domaine. Comme entre ses tunes. Ouais. Pour approcher la prochaine chanson. Étoffer son univers audio. Oui. Pour essayer de titiller l'imaginaire de ses nombreux fans. Hey, sérieux, les beats sont faits avec un Casio. Donc, là, c'est insupportable. La première, c'est Je vais t'aider. Ok, on écoute ça en silence. J'ai de la peine à ma copine et je sais plus vers qui me tourner pour m'aider à écrire une lettre. Je suis complètement perdu. Je pourrais t'aider. Ah, c'est gentil. Je voudrais lui écrire quelque chose de spécial pour me faire pardonner. C'est quelque chose de gentil. Tu es plus belle qu'une étoile. Tu es plus belle qu'une étoile. Ah oui, ça c'est bien. Merci, je mets ça dans ma lettre. Il faudrait que tu t'excuses aussi. C'est vrai, hein? Faut pas oublier qu'il s'excuse à Don. On passe maintenant à l'autre, c'est D'où viens-tu? Ouais. C'est entre la toune qui s'appelle Why et la toune qui s'appelle L-A-V-A-L. Mm. Or lease from rules in the morning. Nous sommes sur les ondes de Radio Pelicanos. Pas jamais manger poule sans sauce. Nous avons ce soir Don Carnage. Don, on dit que tu mets ta touche personnelle au hip-hop. Mais avant tout, on aimerait te connaître plus personnellement. D'abord, d'où viens-tu? Je viens de Laval. Et voilà, il vient de Laval. pourrais-tu mettre juste le début de la deuxième toune aussi? C'est parce qu'il meurt puis il parle à Dieu. Puis aussitôt que Bidieu commence à parler, tu pourrais l'arrêter, mais... Donc, voilà. Wesh. Ouais, il est en train de mourir, là, quand... On le sent, là. Il y a des ambulances puis de la pluie. Ouais. J'arrête pas de péter, man, ça pue. On est allé manger chez Nekos, les amis. Faut pas aller manger chez Nekos. En ce jour de ma mort, je vais faire face à mon sort. Je laisse aller mon corps et je lui lègue tous mes torts. Je monte vers un univers encore plus pur que l'or. Un monde tellement beau que je me demande si je dors. Un éclat de lumière vient éblouir mes yeux. Et une voix d'autorité vient faire retentir les cieux. Dans mon fils, te voici venir devant la fin. Je t'ai donné la vie et tu la gaspilles. Au nom de mon père, je n'ai pu faire quelque chose. Arrête! Comme arrête! Père, j'étais pris dans le beat, mais... Arrête! Arrête! On va s'en aller ici à Je t'aime. C'est la toune numéro 10, puis c'est un autre interlude de Don Carnage, bien sûr. Celle-là est entre la chanson qui s'appelle Ed et celle qui s'appelle A Simple Man. Ah oh non, Don. Quoi? Don. Attends. Don, t'es pas encore en train de jouer à ça? Yes! Non. Moi, je m'en vais d'ici. You win. Ok, il jouait à Street Fighter. Il en parle souvent de Street Fighter 2 dans ses tonnes. Ouais. Okay. Il en reste une, man. Ah, il reste une interlude. Ah, il reste une interlude. Elle dure 42 secondes, celle-là. Elle s'appelle En Live Interlude. Don. Il y a un album, moi, carrément. Album offré, moi, j'en ai pas de femme. Libon. Mais, il parle de quel créole la donne. Ah, mon cher, c'est toujours plein, man. Qui t'en donne? Ah, mon cher, pas de mon faux album. Faut des créoles la donne. Mon cher, faut qu'on finisse de reste album, non, mais. Non, mais, qu'est-ce que tu vas faire, man? Nous pas gagner pour nous faire, non? Et ça c'est le nouveau propre nous faire? Oh, en tout cas, yo, pendant que ça trip là, en tout cas, c'est pas qu'on peut t'a demandé. Mais et qu'on pas besoin. Mais shit, là, attendez ça. Ah, elle m'a attendu en live. C'est quoi, il est de descendance haïtienne, ça parle le créole à fond la caisse, j'ai rien compris. Moi non plus. Bon, en tout cas, ça pourrait être pire, hein, on aurait pu rien comprendre de quelqu'un qui nous dit tasse-toi parce qu'il y a un piano qui va te tomber sur la tête. Ouais. Là, c'est des tunes de vlog. Ah, peut-être lire. Hein. Je désire tout d'abord remercier ma famille. Ah, il s'est trompé. Hein. Il a oublié de remercier Dieu en commençant. Un rapper doit remercier Dieu. Ça doit être pour ça que sa carrière est disparue. Il remercie Phila, Ruben, Skish, Lydia, Yuri, Kate. Vous aurez sûrement de quoi être fiers. Et puis à la fin, c'est bien sûr le Laval Baby Thanks. qui sonne le plus... Laval. Hey, baby, thanks. Et puis c'est quoi, sinon, c'est la fin de ton exposé sur Don Carnage? Ben, moi, j'ai plus rien à dire, à part que il rappe sur du Casio, puis il vient de Laval. Baby. Baby. Thanks. Excellent. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter une excellente chanson ici. Ah, ben quoi qu'on ait écouté une excellente avant. Bon, c'est pas grave, on va aller en écouter une autre qui a bien de l'allure. Betty et Steph, c'est Agua de Beber. Ils sont en portugais. Fait qu'on va écouter du portugais, ça va faire vintage. Ouais. On revient à 70%, comme d'habitude. Tive medo, quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber. As portas do coração. Água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber. Bon, ça va faire le choix FM Rock des Primes. On va retourner tout de suite dans des extraits de Clash of the Ninja. Ça, c'est le film que j'avais amené au visionnement ici à Choc, tandis que j'étais pas là. Tu sais, je te l'avais laissé. Là. J'étais parti en voyage en Abitibi. Ah, oui, oui, oui. C'est ça, tu m'as dit que c'était un des meilleurs films que tu avais vu de toute ta vie. Là. Ouais, non, c'est le combat avec un chien. Avec le chien, avec le taureau ah, aussi. Ah, c'est là. Ça, oui. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un excellent film de ninja, Clash of the Ninja. On va retourner ce saucer bien comme faut dedans. On a encore un petit deux minutes d'extrait. Là. Ne bouge pas. Je suis d'Interpol. Tu es d'Interpol? Tu es très intelligent. Dommage que tu n'utilises pas tes pouvoirs autrement. Qu'est-ce que tu veux? La sécurité pour tout le monde, pour moi aussi. La vengeance pour Nana et le maître. Tu cherches la vengeance, pauvre imbécile. Crois-tu que tu ne vaux rien du tout? Tu ne me battras jamais. Surtout ne bouge pas ou je te fais sauter la tête. Encore vous ne le sauriez pas? La mafia est une organisation mondiale du crime, une entreprise. Elle est basée en Sicile, mais cherche maintenant à venir à Hong Kong. Tu ne l'as pas reconnu? C'est le type qui était à la télé hier soir. Ben, il lui ressemble pas du tout. Mais tu as de la merde dans les yeux. En tout cas, moi, je m'éloigne de ce type-là. Salut, amour. Tu te fais une peau neuve? Je peux m'approcher? Chérie, si on retournait encore au lit, j'ai quelque chose pour toi. Je voudrais que tu viennes me le prendre. Espèce de salopard! Tu es un de mes élèves! Pour qui prends-tu? Vieux fou, tu vas mourir! Ah! Ah! Ah! Ah! Robert, que se passe-t-il? Monsieur, les cobayes du laboratoire se rebellent. Ils cassent tout et essayent de s'échapper. Quoi? Oui, ils essayent de s'échapper. Ils ont dû apprendre ce qu'on allait faire d'eux. Et ils sont en train de tout casser en bas. Ils ont des bouts de bois. On est obligé de se plier pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? Une émeute? Robert, il n'y a qu'une seule solution. Si vous n'arrivez pas à le rattraper, tuez les tous et surtout n'ayez aucune pitié. Est-ce que vous m'avez bien compris? Oui, monsieur, ça sera fait. Ben, fuck off. Il me manquait plus que ce fils de pute d'Interpol maintenant. Hé, hey, fais un peu attention, la voiture est neuve. Du calme, tout va bien. Après une dure semaine au bureau, j'aime bien inviter des amis à la maison pour partager un repas. Malheureusement, il y a le cancer du sein. C'est pour cette raison que j'achète le riz Uncle Ben's. Le riz Uncle Ben's, c'est un très très bon riz. En vente cette semaine chez Provigo. Hey, bonjour, ici Simon Chénier. Vous êtes à 70%, la meilleure place où je prendrai mes vacances. Ou d'autres sinon, hein? C'est quoi oui. Qui te reste, mettons, à part à 70%? Hein? Hey, Bruce Willis, hein, superstar. Son dernier film, c'est encore Die Hard 4, Live Free or Die Hard. Moi, je me souviens quand que j'ai découvert que ça existait, ce film-là, je savais pas que ça existait. J'explique parce que je me promenais en bicyclette dans la rue. Et puis là, ben, j'ai vu un autobus sur le côté duquel il était écrit « Vie libre ou crève ». Et puis, ben, je veux dire, vie libre ou crève, en lettres blanches sur fond noir, puis il n'y avait rien d'explication, il y avait une date. Puis là, moi, je me suis dit, c'est quoi? Il y avait une manifestation de... Je savais pas c'était quoi. Ouais, c'est ça, je savais pas c'était quoi. Puis finalement, ben, c'est de la publicité pour un film d'action d'Hollywood. Fait que là, ben, je me suis dit, right, hein, ça va être John McClane qui va avoir trop de HP encore une fois. Et puis, ben oui, j'ai pas été déçu, c'est un excellent film d'action. C'est bizarre que ce soit un bon film d'action, par contre. Parce que d'habitude, je serais tenté à... Je sais pas, hein, pourquoi. Mais le premier était pas pire, là, quand ben il marchait dans vite, puis tout. Ouais, le 2, puis le 3 aussi. Tu sais, tu peux faire des affaires exagérées, mais mieux que moins bien. Je sais pas comment dire ça. Okay, ouais. Sinon, ben, on va essayer de calculer un petit peu les HP que notre ami John McClane va passer. Au travail je pense du film. Au moins, il est au moins rendu à 8000. Ah oui. Si on compte en Final Fantasy. Au total, là, ouais, c'est sûr. Là. Bien, sinon, ben, à la 10e minute, John McClane élimine à l'aide d'un extincteur et de son arme de poing 4 gars avec des mitraillettes qui pourtant le surprennent dans l'appartement du geek. Ensuite, à 37e minute, après une bonne beurrée d'histoire et d'intrigue bien ficelée, c'est peut-être là aussi la différence entre le mauvais et le bon, de passe de bureau originale et bien filmée. Non, c'est vrai, tu peux bien monter une passe de bureau, t'es pas obligé de garder la caméra statique. Mais John McClane, au volant d'un véhicule de police, est pris en chasse par un hélicoptère. Il la repousse d'abord à l'aide du jet d'eau d'une bombe d'incendie qui le fait sauter. Ensuite, après avoir subi une autoroute et un violent carambolage, il reprend le contrôle du véhicule policier qui a franchement doublé de poids après avoir encaissé toutes ses balles et le fait décoller d'une rampe de lancement improvisée dans le dit hélicoptère. Il se lance bien sûr en bas de son véhicule qui roule à plus de plein de kilomètres heure puisque c'est assez pour le faire lever, stepper, le projeter dans l'hélicoptère. Donc, oui, John McClane détruit un hélicoptère à l'aide de son char de police. Ooh. C'est de toute beauté. Ensuite, à la 54e minute, 20 secondes, il reçoit un airbag de voiture en plein visage. Ça fait beaucoup plus mal qu'on pense. Ça fait très mal. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, là, mais j'ai vu un reportage très sérieux. Hein. Bon, sinon, 1h02, au début d'une fusillade entre McClane et un Gilles, coup de pied, coup de poing, paf, paf, paf, boum, bang, pif. Cadavre. Et puis c'est bien sûr pas John McClane. À 1h04, le geek pirate le central de la centrale et se fait déranger par un des terroristes. Après un long combat, McClane se débarrasse de la sidekick qui kick en sapristi. La sidekick du boss de la fin qui kick en sapristi, ouais, c'est ça. Quelques instants plus tard, on se rend compte qu'elle n'est pas vraiment morte. Elle revient et garoche McClane en bas de 3 étages, non sans lui avoir refait le visage en jointure et talons. Puis elle a des talons hauts. Hein. Oh. Ouais. McClane revient armé d'un char et passe la fille au travers d'une trentaine de vitrines et murs de bureaux avant de la lancer dans une rampe d'ascenseur ouverte. Ils se battent encore parce que là, ils sont comme sur le troc qui est dans la cage d'ascenseur. Là, ben, ils se battent à coups de poing dans la cage d'ascenseur sur le troc qui est accroché de façon très précaire avant que tout déboule avec la fille dedans. À 1h10, 30 secondes, on apprend que c'est une affaire personnelle parce que le méchant fait kidnapper la fille de John McClane. Ça, c'est pas très malin. 1h16 minutes, McClane devient pilote d'hélicoptère. Il dit, ce serait pas pire, j'en aurais besoin. Je n'ai tellement mis en bout, je sais pas. 1h18, là, j'ai pris, à 1h18, j'ai pris un petit peu de mon temps pour aller me faire un bol de céréales. Ce qui nous amène à 1h34, avec une arme de pointée dans le dos. John McClane fait du cynisme avant de créer un autre cadavre. T'sais, il se fait pointer dans le dos, mais bon. 1h42, fusillade avec l'expert tueur dans une tour de refroidissement. On note le double coup de pied à la poitrine qui aurait pu le tuer sec. Ça se termine malheureusement pour la logique, malheureusement pour la continuité, avec le méchant qui passe à la moulinette du refroidisseur. C'est ça la vie. Hein? Beau combat d'ailleurs là-dedans. Le méchant était de loin plus agile que John McClane, mais John McClane avait de loin plus de HP et de waspisme. Très pratique quand t'es dans un film hollywoodien. Et puis là, bon, on arrive au pinacle du film. Spoiler alert toujours. 1h49 minutes 30 secondes, au volant d'un camion remorque de 52 pieds loadé ben plein, McClane fait face à un jet F-35 de l'armée américaine, hein? Un véhicule de combat équipé de 2 mitraillettes, de lance-missiles et d'un overing système haut de gamme lui permettant de flotter. Et ce qu'il faut savoir là, avec les mitraillettes des jets qui flottent, là, ben, en fait des F-14, des F-35, toute la série des F, c'est qu'ils ont une mitraillette qui est tellement rapide que quand tu pèses pause, juste à la sortie du canon, quand tu pèses pause, tu peux pas glisser ton doigt entre les balles. Ça veut dire que c'est quelque chose... C'est ça, ça tire vite. Puis d'ailleurs, ben, ça coupe en deux le truck dans lequel John McClane est en train de dire des yippie-ki-yo. Et puis là, ben, juste après, John McClane, armé de sa flaube, réussit à battre le jet de combat. C'est non sans s'être fait scier son véhicule en deux, bien sûr, par les mitraillettes, et non sans avoir perdu une autre quantité considérable de HP en déboulant dans l'espèce de bypass d'autoroute qui s'écroule pis tout, là. Et puis, ben, sinon, ouais, ça, j'ai des petites notes, là, ça me vient de Wikipédia. Le F-35B, c'est celui qui est utilisé dans le film, pour vrai, parce que c'est lui qui est une variante qui est occupée du STOVL, Short Takeoff Vertical Landing, décollage court et atterrissage vertical. Ça, ben, c'est ça justement qui fait que les jets... en fait, le jet flotte. Il y a comme des hélices. Comme un aéroglisseur. Ouais, c'est en plein ça, vrai ça. Fait que là, ben, c'est quelque chose qui coûte cher en carburant, puis là, ben, qui coûte cher en temps d'antenne. Sinon, 1h55 minutes, McClane reçoit une petite salve de mitraillette dans le dos. Juste une salve de mitraillette. Et ensuite, 1h57 minutes, McClane se tire au travers de l'épaule pour flinguer le dernier boss des méchants. Pour vrai? Ouais. Ouais, parce que tu sais, là, le dernier boss le tient, là, pis là, ben, McClane, il prend son gun, pis là, il le met sur son épaule, pis là, ça passe au travers, pis ça va dans le cou du méchant qui était plus grand que lui. Pis là, ben, il délivre sa fille, il pardonne au geek des geeks, et puis il va guérir ses HP à quelque part. Ouais, c'est à peu près ça. Quand même une belle aventure. Mais tout ça pour dire que les dauphins possèdent un contrôle important sur leur pénis. Ils s'en servent pour tâter le fond de l'eau. Ouais, c'est pas pire, hein? C'est comme un autre bras dans le fond. Là. Ouais. il est content. Hey, moi, j'ai comme pas amené de toune nouvelle à soi. J'ai tout coupé rond, man. Tu sais, on va mettre de Touch. Non, on remet des extraits. On remet des extraits, on va en remettre, mais après de Touch. Pour l'instant, ça va être de Touch. C'est la toune du film des Transformers en 1986. Okay. J'ai fait un petit montage sorti du film. Puis vous allez m'entendre au début beugler à propos de un de mes profs universitaires. Il m'avait déjà donné 2 sur 5 sur un travail qui en valait au moins 4. Et puis, ben, à force de m'être ostiné pour avoir au moins la note de passage, la prof m'a dit « Écoute, Tommy, je te donne 2 sur 5 parce que je sais que t'es capable de faire mieux. » Je me suis dit « Vive les corrections à l'université. » Les autres études, c'est objectif. Fait que bon, OK, on sauce dedans de Touch. Vous allez voir, c'est rock. Le professeur de l'art me donna 2 sur 5 sous prétexte qu'elle savait que je valais mieux. Mégatron doit être repoussé, quel qu'en soit le prix. meilleur d'entre nous gagne. Pourquoi vouloir te sacrifier à tout prix, hein? C'est une question que tu ferais bien de te poser, Mégatron. Ah oui? Eh bien, je vais te réduire en limaille. Je dois secourir Prime. Ne t'emmène pas, petit. C'est son combat. Je vais t'arracher les optiques. Vas-y, achève-le, Prime. Pas de pitié. Je t'en supplie, Optimus Prime, laisse-moi la vie. Je me rends sans condition. Toi qui n'as jamais eu de pitié pour personne, tu implores la mienne. Je te croyais d'une autre trempe. Ne bouge pas, Mégatron. Ne reste pas là, Otrand. Meurs, meurs. C'est ça, les gars, c'est bon. Oh, my! Arrête! Tu m'as fait peur! Dîner est prêt, c'est un peu confortable. J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu es folle de te baigner nu. Mais j'y vois aucun mal, et comme tu sais, moi, j'ai rien à cacher. Eh bien, retire ta serviette. Oh, oh, relâche-moi, s'il te plaît. Entre frère et sœur, tu as raison, il ne faut rien sécher. Oh, arrête! Rends-moi ma serviette. Non. C'est stupide et c'est pas drôle. Et ne me regarde pas comme ça. Dommage que tu sois ma sœur. Dommage que tu sois ma sœur. Oh. Excuse-moi. Dîner dans 10 minutes. David Simard. Oui, bonjour. Est-ce que tu as déjà été sur un poster de petite fille? Est-ce que tu as hâte de signer des affiches? Est-ce que tu vas être en bédaine quand tu vas chanter? Ben, c'est la seule raison pour laquelle je fais de la musique. Bon. Il vient d'être arrêté. Quoi? Mais alors, et la cam? Ben, elle a été brûlée. Brûlée? Mais qui a fait ça? Probablement ces deux flics qui nous courent après. Putain. Nos plans tombent à l'eau. Il faut à tout prix qu'on fasse partir le reste en bateau. On ne peut pas attendre. Impossible. En perdant Tiger, nous avons perdu tout contrôle sur les marins de la région d'Aberdeen. Merde! Hello, Temple. Vous êtes prêt à me satisfaire? Pour cela, il faudrait me dire qui vous êtes exactement, monsieur. La main vengeresse. Mais on se fout de qui vous êtes! Nous sommes prêts! Demain matin, vous savez. Soyez pas en retard. Pas de danger. Alors, tant mieux. Ouais, ouais. Ces histoires-là de Transformers ont fait passer à des affaires. Premièrement, que c'est Hubert Gagnon qui fait la voix d'Optimus Prime. Ben oui. Le même qui fait la voix de Mel Gibson et de Homer Simpson en ben français. Oui. Qu'on a déjà interviewé par téléphone. S'il est à l'écoute, on le salue. Ben, certain, on sait jamais. Hein. Puis, tout ça pour dire que j'ai été voir le film des Transformers, moi, cette année au cinéma. OK. Je te jure, c'est super bon. Ah ouais? Hey, j'ai été merveilleusement surpris de à quel point ça pouvait être bon. Celui de Michael Bay, là? Ouais, ouais. La grosse affaire, là. Ah ben, ah ben. Oui, en tout cas, c'était super bon. Puis c'est la première fois que je vais voir un film de super-héros, si on peut dire ça de même. Parce ouais. que d'habitude, ça m'énerve. Mais les X-Men n'étaient pas pires, admettons. Ouais, ouais, ça, c'était très bon. C'est ça, puis c'est dans la veine, là. C'est super bon, là. Bon, ben, crème, tant mieux. Tant mieux. Je te le conseille fortement à tous nos auditeurs. Bon, ben, je vais le downloader. Et pour faire suite à ça, je voudrais maintenant parler de quoi qui me frustre. Te souviens-tu de l'époque où les jeux vidéo étaient merveilleux? 93. C'est ça, Chrono Trigger s'en venait, puis les jeux étaient bons. Ouais. On n'avait pas de suite fofolle. Il y avait Zelda Oracle of Time et Oracle of Season qui étaient... ouais, c'était comme... C'est deux. Correct, c'est sur la même console, puis il y en a un qui était plus puzzle, puis un qui était plus combat. Il était très complémentaire aussi, c'était des oui. jeux que si tu rendais à la fin d'un, t'avais un code que tu pouvais rentrer en commençant l'autre, puis tu transférais les items que t'avais et tout. Et voilà. C'était, ouais, c'était très, cool. très bien. Puis les personnages changeait la discussion dépendamment si t'avais rentré le code avant ou... Oui. Fabuleux. Mais c'est quand même un peu plate que ce soit deux jeux différents puis que t'étais obligé d'acheter les deux cassettes. Mais là, on est rendu à une époque où il faut acheter plusieurs consoles et plusieurs logiciels de jeu pour suivre une série au complète. Puis ça, je trouve ça très dommage parce que c'est beaucoup d'argent à dépenser pour rien. Je vais parler de Final Fantasy de Kingdom Hearts ici. Kingdom Hearts, qui est un jeu que j'ai vraiment aimé quand il est sorti, le premier surtout. Là. Ça, c'est un role-playing avec les personnages de Walt Disney mélangés oui, avec les personnages de Final Fantasy. C'est quelque chose de même? Oui, c'est ça. Okay. Ça ressemble un peu à Zelda. Là. Tu te promènes puis tu bashes. Ah. Fait que c'est ça. C'est pas comme tu rentres dans des combats, mais c'est ça, c'est le fun. Tu te promènes dans l'univers de Disney, tu t'en vas, mettons, dans L'Étranger de Monsieur Jack ou dans Aladdin. T'aides les amis à sauver le monde, puis à la fin, tu sauves ta princesse, puis c'est bien cool. Là. Y a non, plein... c'était de Disney, le Noël de Monsieur Jack. Ouais, ouais. Ah, oh, je savais pas. Effectivement, tout comme James et la pêche géante. Ouais, bon. Mais toujours en est-il que c'était un excellent jeu, puis là, ils ont fait une suite un peu BS au Game Boy Advance. Ça, c'est pas si pire. Ils ont sorti le 2 au PlayStation 2, mais là, s'en vient la plaie. Attention, Kingdom Hearts de retour. Le retour. On voudrait bien un Kingdom Hearts 3, mettons, sur la PlayStation 3, là, même si on s'en fout un peu. Peu importe le système, juste un nouveau jeu qui suit bien la suite, disons, qui ben serait oui. Fun. Non, on va avoir droit à 3 jeux sur 3 systèmes portatifs différents. OK, ils en ont sorti 3 d'un coup, eux autres. Non, ça s'en vient. OK. Fait que là, va falloir que t'aies un DS, un PSP, puis un autre marne. Je sais pas, il un iPod. Genre, ça va être sur cell phone. Sur mobile, ouais. Aïe, aïe. Hey, parce qu'ils sont rendus de même Square Enix. Ils font des jeux sur le mobile. C'est comme Final Fantasy VII, là. Dans le temps, c'était vraiment un bon jeu, là, Final Fantasy VII. Puis là, cette année, on vient de recevoir 4 autres Final Fantasy VII. Il y a Before Crisis, avant la crise. Avant la crise. Il y a Dredge of the Cerberus, l'histoire de Vincent Valentine, 2 ans après. Il y a, il y a aussi l'histoire des Turks, l'espèce de police spéciale, ouais, là, ouais, sur ouais. Mobile phone. Ouais, wow. Au moins ça téléphone. Développe un univers, c'est des ça nouvelles affaires. Là. C'est pour ben les vraiment geeks de geeks, ça c'est je sûr. Je sais, mais moi quand j'étais petit, je me disais je veux toutes les Final Fantasy, puis à cette heure, j'y veux pas toutes. Là. Non, c'est sûr, t'arriveras jamais au bout. Ouais, puis t'as jamais, j'ai t'as un loyer à payer. Aussi les... Ouais, c'est ça. T'as-tu checké les trames sonores aussi? Il y a tout le temps des repris par l'orchestre symphonique machin avec un extra tentacule, avec un bruit ouais. Diminué en background. Tu sais, mettons, j'ai réussi à trouver un torrent, l'entièreté des trames sonores des Final Fantasy qui existent à date, puis ça pèse quelque chose comme 13 gigs. Puis là, 13 gigs de tunes de Final Fantasy reprises avec des orchestres symphoniques pédants. Mais en tout cas, c'est pas les affaires que je suis le plus content à réécouter. Ouais, mais ça a mal vieilli, les Final Fantasy. En effet, puis ouais. Je vais parler du 13, d'ailleurs. Ben, vas-y, bring it on, man. Le 13 s'en vient, ça a l'air super bon. Ouais, parce que le 12 nous a amené un nouveau système de bataille qui est assez intéressant, fait qu'ils vont continuer avec ça. Bon. Le 13 a l'air assez bon, les graphiques sont super beaux, j'ai été voir des images. Sauf que la plaie! Il y en a encore 3. Il y a 3 Final Fantasy 13 qui sortent. Il est choqué pour vrai. Oui! Vous le voyez pas. Mais c'est con! Tu sais, je veux dire, il y a comme. Là, on va voir Final Fantasy 13. Final Fantasy versus 13, ça, c'est comme la version bleue de Pokémon. Ok. Puis c'est ça, là, il va falloir t'acheter les deux complémentaires. Mais là, c'est des gros jeux, là, tu sais, c'est pour PlayStation 3. Fait là, c'est des jeux de quasiment 100$. Ouais. De 200$. Puis là, il y en a un autre sur ton mobile phone. Fait que si tu veux vivre la complète expérience Final Fantasy 13, ça va coûter à peu près là, 400$. Et puis en plus, il va falloir que tu te dépêches parce qu'avant qu'ils sortent le 14, l'année de la suite. Ben, je veux dire, t'as 3 jeux à te rendre à la fin qui prennent à peu près 100 heures chacun en moyenne. Ouais. T'es mieux de t'y mettre, mon gars. Ben, c'est plate en crise parce que c'était une série dans laquelle je croyais que j'avais confiance, disons, qui défait toutes mes illusions du standard de jeux vidéo. Là. Ah, tout ce que j'ai envie à cette heure, c'est de jouer à Hardbound 3. Il s'en vient, man. Ben, il s'en vient. Il y a des gens qui sont en train de le traduire. Vous pouvez aller voir au starman.net et les encourager. Starman.net, ça, c'est dans quoi? Dans Internet? Dans Internet, oui. Ouais, il vous incite à téléphoner Nintendo pour qu'ils nous l'emmènent déjà traduit à la place. Ouais, ça serait il y a des vidéos YouTube d'eux autres qui appellent chez Nintendo. Ah, c'est pas pire. C'est ça. Comme ça, tu peux te donner des trucs. Mais j'avoue que c'est bien, ça. Moi, j'aime les role-playing. Là, ouais, ben, on se souvient de Chrono Trigger qui était excellent. Puis c'était pas de fluff-là. Là, on a l'impression de regarder un film de 3 heures. Non, c'est ça. T'attends juste des séquences de PSG de Python, puis tu peux pas skipper les histoires. Ça, c'est quelque chose. S'il y a un designer de jeu qui est en train d'écouter 70%, là, Mais dites-vous que nous autres, on est des geeks, puis qu'on a joué à des jeux vidéo, puis qu'on en rejoue. Puis c'est ensuite, ben, j'ai plus envie de refaire Earthbound, le vieux, là, le celui ouais. Super NES. J'ai plus envie de refaire, mettons, Beautiful Joe au GameCube de 6 ans que n'importe quelle nouveauté. Là, sauf Smash Bros, bien sûr, le prochain qui s'en vient bientôt. On a très hâte. On a très hâte. Ça va être fait. C'était une chronique bizarre, là, mais c'était bien ça. Bon, ouais, bon, on a discuté. Hein, on est juste nous deux. Ça fait longtemps. Là, d'habitude, il y a Bruno, il y a Zombie, il y a toutes sortes d'amis. Ouais, ou Zombie, tu l'as pas appelé? Ben non, mais ben, en fait, je pense qu'il était occupé. Ouais, je pense qu'il est allé faire un voyage dans le sud. OK. Ma Zombie, hein, ça l'occupe. Fait que ça l'a dit, on va écouter. On va écouter une chanson d'un de mes amis, Vincent Potel, qui était déjà venu ici à l'émission sous le nom du Grand Zazou pour présenter, bien sûr, son album qui venait de sortir avec le très expensive Big Band. On va écouter le grand Zazou, la tune éponyme. Bravo à Vincent. Très sympathique, le monsieur. C'est lui qui faisait la voix du génie dans Aladdin de Disney. Tiens, si. Ah, ouais. Un lien. On écoute ça vite fait, puis on va revenir juste après avec encore des extraits de Black Ninja. Une publicité assez bizarre. Et ça va être le pinacle. Bon, vous allez le voir. C'est sûr. À tantôt. À tantôt. Personne n'a la pêche à côté de lui. Même 007 a l'air d'un PD. Il a toutes les plus belles femmes dans son lit. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Quand c'est son engin qui décolle, Tom Jones a l'air d'une vieille chute molle. Il n'a pas besoin d'un pistolet pour dégainer, pas besoin d'être voleur pour les détrousser. C'est le grand Zazou. Ça fait 7 000 $ le kilo. J'en ai une vingtaine de kilos avec moi. T'as assez de monnaie sur toi? Oh, t'as perdu ta langue? Denny, tu te fous de moi? C'est beaucoup trop cher. Ça ne m'intéresse pas. Je peux avoir la même cam pour moi avec les Chinois. Eh bien, dans ce cas, t'as qu'à aller faire ton marché chez eux. Mais t'avises pas à revenir. Parce que les prix auront monté. Denny, fais-la moi à 6 000. Fais un petit effort. Ou va donc te faire foutre. Ça va, rien de cassé? Ben, une mort, réponds-nous! Et Edmond, pourquoi ces hommes t'en voulaient-ils? J'en sais rien. Edmond, écoute! Edmond, j'ai de mauvaises nouvelles, ton père est mort. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est arrivé cette nuit. Sûrement, Tiger. Hé, j'ai pas fini de... Dis-moi, Davy, où est-ce qu'il court comme ça? Lui? Pourquoi? Davy, dites-moi. Oui? Dites, vous êtes une femme ou un homme? Ça ne me regarde pas. Vous pensiez qu'ils étaient disparus, mais devinez qui est de retour. Non, pas lui. Oui, les Nordiques de Québec sont de retour. Jeudi 4 octobre. Ils seront de retour avec leur série de défaites pour empoisonner vos soirées d'hiver. Oui, seulement 28$ dans les loges. Arrêtez, je peux... Allez, dépêchez-vous. Les Nordiques de Québec sont de retour jusqu'au 31 mars seulement. Les Nordiques, doux souvenirs. Présentement, par contre, faut pas oublier que le Canadien de Montréal, qui est ma nouvelle équipe depuis qu'il joue offensif puis que Patrick Roy est pas là, ben, il est premier dans l'Est. Malade. Grâce à des performances de joueurs motivés et nouveaux comme André et Serge Coutu. Grâce au talent retrouvé de vieux fossiles comme Kovalev. Et Roman Amerlik, je pense, cool. On peut dire qu'on est rendu loin, on est rendu solide et on est en bonne posture. On s'en va dans un voyage dans l'Ouest aussi qui va être très intéressant. On risque de gagner pas mal Phoenix puis l'autre d'avant. On espère bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va aller écouter Rush de Conrad Nichols avant de sombrer dans la doucereuse joute de hockey entre les fabuleux. Elle commence quand? Ça commence à 22h30, fait qu'on a le temps d'écouter une marde avant. Ah oui? Non, je te jure, man, on est blindés. Hey, mais là, pour fêter ça, on a eu une petite entrevue avec Patrice Brisebois, qui est bien fier que son équipe préférée aille mieux ces temps-ci. On va écouter l'entrevue avec Patrice Brisebois, que lui-même nous a donné à 70% il y a quelques jours. OK. Alors, Patrice, comment envisages-tu la prochaine saison du Canadien? Ah, c'est sûr que le Canadien de Montréal, c'est un rêve. Hein? J'ai joué 12 ans avec le Canadien, et puis c'est sûr que je me souviens que les Canadiens. Les Canadiens présentent une formation de patineurs. On espère que le Canadien. C'est sûr que je pense que. C'est sûr que j'ai toujours quand même une grosse touche de cœur pour le Canadien. C'est pour ça que je dirais le Canadien, c'est. Le Canadien s'est grandement amélioré pour la prochaine durant l'entre-saison saison et que on leur souhaite le rêve. C'est sûr que j'ai joué toujours avec eux à mes grosses saisons aussi. Le Canadien par ses fans. C'est sûr que je pense que c'est Canadien. C'est sûr, je pense Canadien. Merci. Comme c'est bien dit, hein. Ça résume, je pense, pas mal la position de tous les fans qui écoutent le hockey de par le monde. C'est déjà la fin de 70%. Mais c'était le fun. C'était plaisant. On est allé à 70%, on peut pas bébé plus. Hein. Là, on va finir avec Don One, la toune de Don Carnage. Oui, monsieur. Puis on va vous revenir la semaine prochaine, on va commencer à faire des téléphones pour des invités. Hein. Oui, parce que ça sent bien plate. Hein? Oui, c'est ça, on est en train trop souvent de se parler entre nous autres, là, puis là, ben, on se découvre... toutes sortes de passions, hein. J'aime beaucoup la culture. Ah oui? Non, c'est pas vrai. Bon, à la prochaine. Bon, à la prochaine. Bonne semaine, les amis. Merci bien, gros. Donne carnage une dernière fois dans vos oreilles pour le restant de vos vies. Attention au carnage. Il vient chambarder l'image. Ouais. Fenêtre presque noire, ok je me prépare. Dès que je serai prêt, ce sera la fête pour moi ce soir. Faut que je passe chez nettoyeur, reprendre quelques accessoires. Aller chercher de quoi faire lure mes nouveaux souliers noirs. Quelques coups de fil, qui sort, qui fait quoi? Qui veut venir avec moi si on sort, où est-ce qu'on va? Ah oui, il faut aussi que je passe chez le barbier. Histoire de me faire une tête et de refaire mon dégradé. Je m'installe dans un bain moussant chaud pour relaxer. Et j'ajoute quelques gadgets, c'est l'huile parfumée, sel de mer, que ma peau soit douce au toucher. Les choses nécessaires pour mettre les chances de son côté. Dernière étape, mon plus grand miroir est consulté. Minutieusement, aucun détail n'est négligé. J'aurai sûrement à me présenter sur scène ce soir. J'espère que les gens de la place seront prêts, car... À aïe, c'est pas bon. Les veines me fait dans le front. J'ai vraiment mal à mon ex-guitare. Le sang mon Dieu. Faut écouter, j'ai douté. Discuter de tout et de rien, vous pourriez même rester. Mes parents sont en voyage, je me présente. Carnage, dans le carnage. Assis à faire la conversation. Le maître de cérémonie se charge de ma présentation. Mesdames et messieurs, nous accueillons un nouveau visage. S'il vous plaît, applaudissez dans le carnage. Je m'excuse auprès de la dame, je salue la foule. Je me dirige vers la scène et j'essaie de rester cool. Monter les escaliers fait décroître mon anxiété. On me donne le microphone, ensuite je me laisse aller. J'en arrive avec un son, une nouvelle atmosphère. Que personne ne reste assis, que tout le monde lève les mains en l'air. Un style qui m'est propre vers une toute autre direction. Et je continuerai tant qu'il y aura des réactions et des gens qui aimeront et se déplaceront pour venir assister à des représentations de Don. Alors je lance l'invitation, plus il y aura de gens, ouais, plus il y aura d'action. Bonjour, ici Alex Perron, vous écoutez l'excellente radio Choc FM, la radio web de l'UQAM. Êtes-vous un cinémaniaque? Si oui, eh bien la Cinémathèque québécoise a quelque chose pour vous parmi sa programmation de plus de 500 films par année. La Cinémathèque québécoise offre même des tarifs réduits aux étudiants. Et de plus, son café-bar est ouvert du mardi au vendredi. Consultez le site web au cinémathèque.qc.ca. Et ne manquez pas notre concours Cinémaniaque qui vous offre la chance de gagner entre autres l'une des cartes d'abonnement annuelles de la Cinémathèque québécoise. Rendez-vous sur le www.choc.fm.